Chapitre 25. Messaline, impératrice romaine. An de Rome, 809. 1. Les jardins d'Asiaticus. C'est au voyage de Christine à Rome que nous devons ce retour vers l'Antiquité. Nous y trouvons en imagination avec cette reine savante et si fortement éprise de l'histoire romaine, nous y avons fatalement rencontré ces fantômes tragiques, Livia, Agrippina, Messalina. Sans doute, l'an 800 de la fondation de Rome est une date bien éloignée, mais on remarquera qu'en changeant les noms, les costumes, ce que nous appelons la mise en scène, les histoires les plus anciennes ne perdraient rien en vraisemblance en s'adaptant à une époque rapprochée de la nôtre. De tous nos progrès, le progrès moral est peut-être le plus douteux. Messalina, qui d'ailleurs fut une exception monstrueuse, ne vient en date qu'après Cléopâtre. Et bien des siècles plus tard, en plein christianisme, n'avons-nous pas eu en France les débauches et les crimes des princesses de la Tour de Nesle. L'épouse de l'empereur Claudius n'appartient pas à la rigueur à notre galerie. Elle était plus dépravée que galante. Cependant, nous ne pouvons renoncer à lui faire place ici. Elle marque dans l'histoire des passions le dernier degré d'infamie auquel une femme puisse descendre. Elle tient le bas de l'échelle. Avec moins de génie, Catherine II y serait descendue. Enfin, son nom depuis 2000 ans est une suprême injure qui vaut la peine d'être expliquée. Messaline était l'épouse de Claude avant que celui-ci eût reçu l'Empire en 794 de la fondation de Rome. Elle était jeune, mais déjà dépravée. Sa beauté n'avait alors rien de remarquable, petite et maigre, d'une physionomie inintelligente, lascive et cruelle, telle était cette future impératrice, au front bas et étroit, au teint pâle, aux yeux brûlants et fatigués. Elle avait donné à Claudius deux enfants, Britannicus et Octavia. Ce prince éclairé, il se piquait d'instruction, mais d'un esprit faible, timide et crédule à l'excès, que Pierre III rappelait assez, fut longtemps avant d'ouvrir les yeux au libertinage de son épouse. Il l'aimait et servait d'instrument à ses caprices cruels, à son insatiable avidité. C'est ainsi que, convoitant les magnifiques jardins qu'avait créés Lucullus et qu'Asiaticus embellissait encore avec une rare magnificence, elle déchaîna contre ce dernier l'accusateur Suilius. Elle l'accusa du meurtre de Caius Caligula et de conspiration contre l'empereur. Claude, sans rien approfondir, fit arrêter Asiaticus. Il ne lui permit pas de se justifier devant le Sénat. Il fut entendu dans l'appartement de Claude en présence de Messaline. Suilius le peignit comme un corrupteur des soldats, qu'il avait, disait-il, acheté au crime par ses largesses et ses impudicités. Il l'accusa ensuite d'adultère avec Poppéa. Enfin, il lui reprocha de dégrader son sexe. À ce dernier outrage, la patience lui échappa. « Interroge tes fils, » dit-il à Suilius. « Ils avoueront que je suis un homme. » Les paroles qu'il prononça pour sa défense émurent vivement Claude et arrachèrent des larmes à Messaline elle-même. En sortant pour les essuyer, elle avertit Vitellius de prendre garde que l'accusé n'échappât. Voilà ce que valaient ses larmes. Puis, tournant ses soins à la perte de Poppée, elle aposta des traîtres qui la poussaient par la peur du cachot à se donner la mort. Ce fut tellement à l'insu du prince que, peu de jours après, ayant reçu à sa table Scipion, mari de Poppée, Claude lui demanda pourquoi il était venu sans sa femme. Scipion répondit qu'elle avait fini sa destinée. Alors Vitellius, après avoir rappelé tout ce qui pouvait éveiller la pitié, conclut à lui laisser le choix de sa mort. Claude se déclara aussitôt pour la même clémence. Les amis d'Asiaticus l'exhortaient à sortir doucement de la vie en s'abstenant de nourriture. Il les remercia de leur bienveillance, puis il se livra à ses exercices accoutumés, se baigna, soupa gaiement, et, après avoir dit qu'il lui eût été plus honorable de périr victime de la politique de Tibère ou des fureurs de Caius que des artifices d'une femme et de la langue impure de Vitellius, il se fit ouvrir les veines. Il avait auparavant visité son bûcher et ordonné qu'on le changeât de place, de peur que l'ombrage de ses arbres ne fût endommagé par les flammes, tant il envisageait tranquillement son heure suprême. Ses moyens d'augmenter ce que nous appellerions aujourd'hui les domaines de la couronne furent fréquemment employés. Mais ni les rapines, ni les meurtres ne suffisaient à Messaline. Les raffinements d'un luxe effréné déjà la fatiguaient, et elle cherchait des sensations nouvelles dans les plus crapuleuses débauches. Et tandis que Claude, sans voir ses désordres, exerçait les fonctions de censeur et réprimait par des édits sévères la licence des théâtres, le poète Juvénal dépeignait ainsi les mœurs de Messaline. Quand de Claude assoupi la nuit ferme les yeux, d'un obscur vêtement sa femme enveloppée, seule, avec un esclave et dans l'ombre échappée, préfère à ce palais, tout plein de ses aïeux, des plus vils frinés le repère odieux, pour y mieux avilir le nom qu'elle profane. Elle livre sa chair fardée et qui se fane. Son nom est Lysica, ses exécrables murs, la lampe suspendue à ses dômes obscurs, des plus affreux plaisirs la trace encore récente, rien ne peut réprimer l'ardeur qui la tourmente. Un lit dur et grossier charme plus ses regards que l'oreiller de pourpre où dorment les Césars. Tous ceux que dans cet antre appelle la nuit sombre, son regard les invite et n'en craint pas le nombre. Son sein nu, haletant, qu'attache un réseau d'or, les défie en triomphe et les défie encore. C'est là que, dévoués à d'infâmes caresses, des muletiers de Rome, épuisant les tendresses, nobles Britannicus, sur un lit effronté, elle étale à leurs yeux les flancs qui t'ont porté. L'aurore enfin paraît, et sa main adultère, des faveurs de la nuit réclame le salaire. Elle quitte à regret cet immonde parvis, ses sens sont fatigués et n'ont pas assouvis. Elle rentre au palais, hideuse, échevelée, elle rentre et l'odeur autour d'elle exhalée va sous le dais sacré du lit des empereurs, révéler de la nuit les lubriques fureurs. 2. Silius. Juvénal vient de nous peindre les prostitutions. Tacite va nous raconter les dernières amours et la mort de Messaline. Un amour nouveau et voisin de la frénésie s'était emparé d'elle. Elle s'était enflammée pour ses Silius, le plus beau des Romains, d'une passion si violente qu'afin de le posséder sans partage, elle chassa de son lit une épouse du plus haut rang, Julia Silana. Silius ne se déguisait ni le crime ni le danger. Mais avec la certitude de périr s'il refusait, avec une vague espérance de tromper Claude et de grandes récompenses, il attendait l'avenir, jouissait du présent et se consolait ainsi. Elle dédaignait de se cacher, traînait chez lui tout son cortège, ne quittait pas sa maison, s'attachait partout à ses pas, lui prodiguait honneurs et richesses. Enfin, comme si déjà l'empire eût changé de main, les esclaves du prince, ses affranchis, les ornements de son palais, étaient vus publiquement chez l'amant de sa femme. Claude seul ignorait ses relations publiques. Enfin, dégoûté de l'adultère dont la facilité émoussait le plaisir, déjà Messaline recourait à des voluptés secrètes et immondes lorsque, de son côté, Silius, poussé par un délire fatal ou cherchant dans le péril un remède contre le péril même, la pressa de renoncer à la dissimulation. « Nous sommes trop avancés, lui disait-il, pour attendre que Claude meure de vieillesse. L'innocence pouvait se passer de complot, mais le crime public n'avait de ressources que dans l'audace. » Des craintes communes le rassuraient des complices. Lui-même, sans femme, sans enfant, offrait d'adopter Britannicus en épousant Messaline. Elle ne perdrait rien de son pouvoir et elle gagnerait à prévenir Claude, aussi prompt à s'irriter que facile à surprendre. Elle reçut froidement cette proposition, non par attachement à son mari, mais dans la crainte que Silius, parvenu au rang suprême, ne méprisât une femme adultère et, après avoir approuvé le forfait au temps du danger, ne le payât du prix qu'il méritait. Toutefois, le nom d'épouse irritait ses désirs à cause de la grandeur du scandale, dernier plaisir pour ceux qui ont abusé de tous les autres. Elle n'attendait que le départ de Claude, qui allait à Ostie pour un sacrifice, et elle célébra son mariage avec toutes les solennités ordinaires. Sans doute, il paraîtra fabuleux que, dans une ville qui sait tout et ne tait rien, l'insouciance du péril eût pu aller à ce point chez aucun mortel, et à plus forte raison qu'un consulat désigné et contracté avec la femme du prince, un jour marqué, devant témoins appelés, pour sceller un tel acte, l'union destinée à perpétuer les familles. Que cette femme ait entendu les paroles des hospices, reçu le voile nuptial, sacrifié aux dieux, pris place à une table entourée de convives. Qu'ensuite soient venus les baisers, les embrassements, la nuit enfin passée entre eux dans toutes les libertés de l'hymen. Cependant, je ne donne rien à l'amour du merveilleux. Les faits que je raconte, je les ai entendus de la bouche de nos vieillards ou lus dans les récits du temps. À cette scène, la maison du prince avait frémi d'horreur. On entendait surtout ceux qui possédaient le pouvoir, avaient le plus à craindre d'une révolution, exhaler leur colère, non plus en murmures secrets, mais hautement et à découvert. Au moins, disait-il, quand un histrion foulait insolemment la couche impériale, s'il outrageait le prince, il ne le détrônait pas. Mais un jeune patricien, distingué par la noblesse de ses traits, la force de son esprit, et qui bientôt serait consul, nourrit assurément de plus hautes espérances. Et qui ne voit trop quel pas reste à faire après un tel mariage. Toutefois, il s'alarmait en songeant à la stupidité de Claude, esclave de sa femme, et au meurtre sans nombre commandé par Messaline. D'un autre côté, la faiblesse même du prince les rassurait. S'il la subjuguait une fois par le récit d'un crime si énorme, il était possible que Messaline fût condamnée et punie avant d'être jugée. Le point important était que sa défense ne fût pas attendue et que les oreilles de Claude fussent fermées même à ses aveux. D'abord Caliste, dont j'ai parlé à l'occasion du meurtre de Caius, Narcisse, instrument de celui d'Appius, et Pallas, qui était alors au comble de la faveur, délibéraient si, par de secrètes menaces, il n'arracherait pas Messaline à son amour pour Silius, en taisant d'ailleurs tout le reste. Ensuite, dans la crainte de se perdre même, Pallas et Caliste abandonnèrent l'entreprise, l'un par lâcheté, l'autre par prudence. Ils avaient appris que l'adresse réussit mieux que la vigueur à qui veut maintenir son crédit. Narcisse persista, mais il eut la précaution de ne pas dire un mot qui fît pressentir à Messaline l'accusation ni l'accusateur. Il épia les occasions. Comme le prince tardait à revenir d'Ostie, il s'assure de deux courtisanes qui servaient habituellement à ses plaisirs et, joignant aux largesses et aux promesses d'un plus grand pouvoir quand il n'y aurait plus d'épouse, il les détermine à se charger de la délation. Calpurni était le nom d'une de ses femmes. Admise à l'audience secrète du prince, elle tomba à ses genoux et s'écria que Messaline était mariée à Silius. Puis elle s'adressa à Cléopâtre qui, debout près de là, n'attendait que cette question et lui demande si elle en est instruite. Sur sa réponse qu'elle le sait, Calpurni conjure l'empereur d'appeler Narcisse. Celui-ci, implorant l'oubli du passé et le pardon du silence qu'il a gardé sur les Titius, les Plotius, déclare qu'il ne vient pas même en ce moment dénoncer des adultères ni engager le prince à redemander sa maison, ses esclaves, tous les ornements de sa grandeur. Ah, plutôt que le ravisseur jouit des biens, mais qu'il rendit l'épouse et qu'il déchira l'acte de son mariage. Sais-tu, César, que tu es répudié? Le peuple, le Sénat, l'armée ont vu les noces de Silius, et si tu ne te hâtes, le mari de Messaline est maître de Rome. Alors Claude appelle les principaux de ses amis, et d'abord il interroge le préfet des vivres, Turanius, ensuite Guetta, commandant du prétoire. Tous lui crient qu'il faut aller au camp, s'assurer des cohortes prétoriennes, pour voir à sa sûreté avant de songer à la vengeance. Et Claude, bouleversé de frayeur, leur demande lequel, de Silius ou de lui, est encore empereur ou simple particulier. On était au milieu de l'automne. Messaline, plus dissolue et plus abandonnée que jamais, donnait dans sa maison un simulacre de vendange. On eût vu serrer les pressoirs, les cuves se remplir. Des femmes vêtues de peau bondirent comme des bacchantes dans les sacrifices ou les transports de leur délire. Messaline échevelée brandissant un tirse. Près d'elle, Silius couronné de lierre. Tous deux chaussés de cothurnes, agitant la tête au bruit d'un cœur lascif et tumultueux. On dit que par une saillie de débauche, Vectius Valens, étant monté au faîte d'un arbre, s'écria qu'il voyait un orage furieux du côté d'Ostie. Cependant, ce n'est plus un bruit vague. Des courriers arrivent de divers côtés qui annoncent que Claude, averti, accourt pour se venger. Messaline se retire aussitôt dans les jardins de Lucullus. Silius, pour déguiser ses craintes, se rend au forum. Comme les autres se dispersaient à la hâte, des centurions surviennent et les chargent de chaînes, à mesure qu'ils les trouvent dans les rues ou les découvrent dans leur retraite. Messaline, malgré le trouble où la jette ce revers de fortune, prend la résolution hardie, et qu'il avait sauvée plus d'une fois, d'aller au-devant de son époux et de s'en faire voir. Elle ordonne à Britannicus et à Octavie de courir dans les bras de leur père, et elle prie Vibidia, la plus ancienne des Vestales, de faire entendre sa voix au souverain pontife et d'implorer sa clémence. Elle-même, accompagné en tout de 3 personnes, telle est la solitude qu'un instant avait faite, traverse à pied toute la ville et, montant sur un de ces chars grossiers dans lesquels on emporte les immondices des jardins, elle prend la route d'Ostie. Spectacle qu'on vit sans la plaindre, tant l'horreur de ses crimes étouffait la pitié. L'alarme n'était pas moindre du côté de César. Il se fiait peu au préfet Guetta, esprit léger, aussi capable de mal que de bien. Narcisse, d'accord avec ceux qui partageaient ses craintes, déclare que l'unique salut de l'empereur est de remettre pour ce jour-là seul le commandement des soldats à l'un de ses affranchis, et il offre de s'en charger. Puis, craignant que sur la route, les dispositions de Claude ne soient changées par El Vitellius et Largus Quéquina, il demande et prend une place dans la voiture qui les portait tous 3. On a souvent raconté depuis qu'au milieu des exclamations contradictoires du prince, qui tantôt accusait les dérèglements de sa femme, tantôt s'attendrissait au souvenir de leur union et du bas âge de leurs enfants, Vitellius ne dit jamais que ces 2 mots « au crime, au forfait ». En vain, Narcisse le pressa de s'expliquer. L'exemple de Vitellius était suivi par Quéquina. Déjà, cependant, Messaline paraissait de loin, conjurant le prince à cris redoublés d'entendre la mère d'Octavie et de Britannicus. Mais l'accusateur couvrait sa voix en rappelant Silius et son mariage. En même temps, pour distraire les yeux de Claude, il lui remit un mémoire où étaient retracées les débauches de sa femme. Quelques moments après, comme le prince entrait dans la ville, on voulut présenter à sa vue ses enfants, mais Narcisse ordonna qu'on les fît retirer. Il ne réussit pas à écarter Vibidia, qui demandait, avec une amère énergie, qu'une épouse ne fût pas livrée à la mort avant d'avoir pu se défendre. Narcisse répondit que le prince l'entendrait et qu'il lui serait permis de se justifier, qu'en attendant, la Vestale pouvait retourner à ses pieuses fonctions. Claude gardait un silence étrange. Vitellius semblait ne rien savoir, tout obéissait à l'affranchi. Narcisse fait ouvrir la maison du coupable et y mène l'empereur. Dès le vestibule, il lui montre l'image de Silius le père, conservée au mépris d'un sénatus consulte, puis toutes les richesses de Néron et des Drusus, devenues le prix de l'adultère. Enfin, voyant que sa colère allumée éclatait en menaces, il le transporte au camp où l'on tenait déjà les soldats assemblés. Claude, inspiré par Narcisse, les harangue en peu de mots, car son indignation, quoique juste, était honteuse de se produire. Un long cri de fureur part aussitôt des cohortes. Elle demande le nom des coupables et leur punition. Amené devant le tribunal, Silius, sans chercher à se défendre ou à gagner du temps, pria qu'on hâtât sa mort. La même fermeté fit désirer un prompt trépas à plusieurs chevaliers romains d'un rang illustre. Ils furent traînés au supplice sur l'ordre de Claude. Le seul Mnester donna lieu à quelques hésitations. Il criait au prince en déchirant ses vêtements. « Regarde sur mon corps les traces des verges. Souviens-toi du commandement exprès par lequel tu m'as soumis aux volontés de Messaline. Ce n'est point, comme d'autres, l'intérêt ou l'ambition, mais la nécessité qui m'a fait coupable. Si l'Empire fut tombé aux mains de Silius, j'eusse péri le premier. » Ému par ces paroles, Claude pencha vers la pitié. Ses affranchis lui persuadèrent qu'après avoir immolé de si grandes victimes, on ne devait pas épargner un histrion, que, volontaire ou forcé, l'attentat n'en était pas moins énorme. On n'admit pas même la justification du chevalier romain Traulus Montanus. C'était un jeune homme de mœurs honnêtes, mais d'une beauté remarquable, que Messaline avait appelé chez elle et chassé dès la première nuit, aussi capricieuse dans ses dégoûts que dans ses fantaisies. On fit grâce de la vie à Silius Caesoninus et à Plautius Lateranus. Ce dernier dut son salut au service signalé de son oncle. Caesoninus fut protégé par ses vices. Il avait joué le rôle de femme dans ses fêtes. Cependant, Messaline, retirée dans les jardins de Lucullus, cherche à prolonger sa vie et adresse une requête suppliante, non sans un reste d'espérance, avec des retours de colère, tant elle avait conservé d'orgueil en cet extrême danger. Si Narcisse n'eût hâté sa mort, le coup retombait sur l'accusateur. Claude rentre dans son palais et, charmé par les délices d'un repas dont on avait devancé l'heure, n'eut pas plutôt ses sens échauffés par le vin qu'il ordonna qu'on allât dire à la malheureuse Messaline, c'est dit-on le terme qu'il employa, de venir le lendemain pour se justifier. Ces paroles firent comprendre que la colère refroidie faisait place à l'amour. Et en différant, on redoutait la nuit et le souvenir du lit conjugal. Narcisse sort brusquement et signifie aux centurions et aux tribuns de garde d'aller tuer Messaline, que tel est l'ordre de l'empereur. La franchie Evodus fut chargée de les surveiller et de presser l'exécution. Evodus court au jardin et arrive le premier. Il trouve Messaline étendue par terre et Lépida, sa mère, assise près d'elle. Le cœur de Lépida, fermé à sa fille tant que celle-ci fut heureuse, avait été vaincu par la pitié en ces moments suprêmes. Elle lui conseillait de ne pas attendre le fer d'un meurtrier, ajoutant que la vie avait passé pour elle et qu'il ne lui restait plus qu'à honorer sa mort. Mais cette âme corrompue par la débauche était incapable d'un effort généreux. Elle s'abandonnait aux larmes et aux plaintes inutiles quand les satellites forcèrent tout à coup la porte. Le tribun se présente en silence. La franchie, avec toute la bassesse d'un esclave, se répand en injures. Alors, pour la première fois, Messaline comprit sa destinée. Elle accepta un poignard. Et pendant que sa main tremblante l'approchait vainement de sa gorge et de son sein, le tribun la perça d'un coup d'épée. Sa mère obtint que son corps lui fût remis. Claude était encore à table quand on lui annonça que Messaline était morte, sans lui dire si c'était de sa main ou de celle d'un autre. Le prince, au lieu de s'en informer, demanda à boire et continua tranquillement son repas. Même insensibilité les jours qui suivirent. Il vit, sans donner un signe de haine, ni de satisfaction, de colère, ni de tristesse, et la joie des accusateurs et les larmes de ses enfants. Le Sénat continua encore à effacer Messaline de sa mémoire en ordonnant que son nom et ses images fussent enlevés de tous les lieux publics et particuliers. Narcisse reçut les ornements de la questure, faible accessoire d'une fortune qui surpassait celle de Calliste et de Pallas. Ainsi fut consommée une vengeance, juste sans doute, mais qui eut des suites affreuses et ne fit que changer la scène de douleur qui affligeait l'Empire.